Prêt pour une vague de nouveautés? C'est la chance au coureur! Bonjour et bienvenue à la Chance au coureur, le poste d'écoute de C'est fou qui découvre avec vous les nouveautés musicales reçues pendant la semaine à la station. On a reçu du côté francophone cette semaine Jackie G. Marinovich, Jack O'Rama, Les Chiens avec Le Long Sentier, une anthologie, Beggar Sound Boom, Les Barniques, Pas de problème, Promenade dans les prés, du duo impromptu et des cordes hallucinantes, Claude-André Caron présente, Fred et Nicolas Pellerin, mais on commence par William Sévigny et son hippie, son maxi Un Poisson. Voici tout de suite L'Autre Côté du Mur, précédé de la pièce titre Un Poisson. Tout de suite à la Chance au coureur, à C'est fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Bien un bateau sur la lune, aller danser, ça serait bon. Mais j'ai pas un rond. Je t'ai acheté un poisson. Je t'ai acheté un poisson. Un poisson bleu, beau comme un rouge. Je sais pas s'il est heureux, mais au moins il bouge. Des fois je l'envie. Avec sa mémoire de 3 secondes, dans mon 3,5, je vis à l'étroit avec toi. Dans son bocal, lui, il oublie qu'il vit dans un monde tout petit. C'est ta fête, j'ai pas un rond. Je t'offrirais bien un bateau sur la lune, aller dans le sud, ça serait bon. J'ai pas un rond. J't'ai acheté un poisson. J't'ai acheté un poisson. Je suis content, mais je suis triste. Je voudrais bien tout te donner. Moi et mon cœur, un pauvre, un riche. Les mêmes valeurs, sans postiche. Avec le temps, je comprends. Je pourrais peut-être jamais t'offrir tout ce que tu veux. Mais c'est ta fête, j'ai pas un rond. Je t'offrirais bien un bateau sur la lune, aller dans le sud, ça serait bon. J'ai pas un rond. Je t'ai acheté un poisson. Je t'ai acheté un poisson. Semaine plus tard, il était mort. Je l'ai vu flotter, la tête en bas. Encore un coup sur mon cœur. Mais quand j'ai vu le sourire sur tes lèvres, à ce moment, j'ai compris que tu m'aimais. C'est ben assez pour le gars que je suis. Mais c'est ta fête, j'ai pas un rond. J'offrirais bien un bateau sur la lune, aller dans le sud, ça serait bon. Mais j'ai pas un rond. J't'ai racheté un autre poisson. J't'ai racheté un poisson. J't'ai racheté un poisson. C'est fou, fou dans vos oreilles. Du soir au matin. Sans suivre un chemin. c'est le calme après la tempête. On constate les ravages qu'a fait la bête. 5 minutes plus tôt, c'était la guerre. Avec tous les sons, les cris que j'entends en arrière. Je sais pas si t'as touché, je ne sais pas si t'as frappé, je ne peux même pas le savoir. T'as crié. Je le vois entrer, j'entends la porte claquer. Chaque fois je sens la peur. Ça y est, il va t'engueuler. Je ne sais pas si t'as touché, je ne sais pas si t'as frappé. Seulement ton cri. Tu viens troubler mon sommeil. Je te donnerai ben un peu de soleil. Dans ta vie. William Sévigny avec la pièce « L'autre côté du mur » précédée de « Un poisson », ça vient de son maxi qui s'appelle justement aussi « Un poisson ». Donc, williamsévigny.com, c'est son site. Et présentement, en fait, récemment, du 2 au 6 novembre, il participait à la production de l'album Émergence 3. Le 17 novembre, il va être à l'Atelier Festival Dina Bélanger de Québec et le 22 novembre au Carrefour de l'Érable. Son single Un poisson est disponible sur son site au williamsylvie.com. Il y a aussi la pièce qui n'est pas sur le hippie qui s'appelle Je pourrais plus jouer au hockey. C'est-tu pas beau? Sa biographie tient sur son site. Lisons-la un peu. Le bonheur de prendre le temps d'avoir du plaisir. Complexe, pour lui, la scène lui offre ce privilège. Que ce soit en solo ou avec ses musiciens, il a su prendre sa place sur scène depuis 1996 et il continue d'y monter dès qu'une occasion se présente. Créer des ambiances, des nuances, de l'ironie, des voyages, des souvenirs, de l'amour, des rires, faire plus que de la musique, il veut créer des moments forts qui font réagir, qui donnent quelque chose. William Sévigny a été diplômé de l'École nationale de la chanson de Granby comme auteur-compositeur-interprète en 2006. Cette même année, il fut également l'invité d'honneur du gala Jeune d'exception de sa région. Il a été demi-finaliste du Festival de la chanson de Saint-Ambroise, lauréat du Festival Musical de Saint-Jean-de-Dieu et lauréat des découvertes de la chanson de Magog. En 2005, on a pu le voir sur les ondes de TVA comme finaliste aux auditions de Star Academy. Ça semblait aussi. Maintenant, il nous arrive en 2007 avec un premier single, Un poisson fraîchement pêché de son imagination et qui annonce bientôt le début d'une belle carrière. Avec un style pop-rock alternatif, il offre ses chansons à sa manière, parfois dans l'intimité, parfois avec énergie. Gars bien sympathique, en tout cas sur sa photo, il m'a l'air très enjoué. WilliamSévigny.com, c'est son site WilliamSévigny.com. Prochain groupe qu'on s'en va entendre s'appelle du franco-alterno groove simili rock tapis. Voici Jack G. Marinovich avec l'album Jackorama et la pièce En dessous, ça se passe à l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. C'est la chance au coureur, le poste d'écoute de C'est fou. Les cymbales par la fenêtre et le reste par la porte. Il doit l'avoir trompé. Elle en a tout simplement marre. Au premier coup d'œil, on l'aurait dit calme et tendre. Elle l'est sûrement aussi, mais pas dans ces moments où elle est plutôt tendue. Il y a du verre qui se casse, ça doit être la tasse, mon amour pour toujours. Sur la tête, elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. On a volé mon vélo, on a piqué mon bolide, on a bouché ma bécane, on a scié mon engin, on a chuté ma machine, on a dérobé ma bombe, on a arrêté ma moto. Où est mon basique? Où sont nos valeurs? Il n'y a plus d'éthique. Où sont les voleurs? À Montréal, y'a le trafic de vélo pour les zigotos. La chance au coureur, le poste d'écoute de C'est fou. Et tout de suite, voici une dernière pièce de Jack G. Mernovich. Je me lance, leur album Jackorama. Yeah. Jack G. Marinovich avec trois pièces de leur deuxième album Jackorama. Ça, c'était Je me lance, précédé de Filou Muette, Vélo volé, puis En dessous. Jack G. Marinovich, oui, qu'on doit prononcer en français parce que mon cerveau est un petit peu rapide pour passer à l'anglais, c'est quasiment fatigant. Donc, c'est du franco-sympatico groove Simini Rock Minet de Montréal au Québec. Ils vont être en spectacle au Bobard à 21h, c'est à Montréal. En fait, c'était le lancement, pardon, le 14 novembre, mais ça apparaît encore sur leur MySpace. Prochaine date, 12 janvier 2008, 21h, au bar Le Fleur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Lisons un petit peu leur biographie sur le site web jackgmarinovich.com. C'est en janvier 2001 que le groupe voit le jour à Montréal. Bien qu'aucun des membres ne soit originaire de la métropole, c'est à cet endroit que leurs chemins se croisent. C'est probablement à la suite de quelques rêvasseries que Jérôme, musicien autodidacte et amateur de chansons à texte, et Marianne, ex-membre du groupe The Silver Band, décident de former un nouveau groupe. Bien que leurs intentions soient nobles, il leur manque un membre pour pouvoir expulser un nombre de décibels suffisant pour se faire entendre. Marianne, foudroyée, par un éclair de génie translucide, décide de contacter un ami de cette île, Luc, qu'elle sait percussionniste, trompettiste et perfectionniste. Bien que ses groupes précédents furent plus alternatifs, Luc, l'esprit toujours ouvert, accepte la proposition. L'été qui suit, soit quelques mois après leur formation, nos amis commencent à se produire sur scène. Le groupe doit se trouver un nom, rien n'ayant été encore avancé. On commence donc une tempête de cerveau intensive. C'est en s'apercevant, en s'inspirant d'une boîte d'exportation de raisins et de leur propre nom, que le nom Jack G. Marinovich prend forme. Faisant un peu trop sérieux, le groupe y ajoute un ink pour rendre le tout plus amusant, mais cet ajout sera toutefois mis de côté durant l'été 2003, non sans l'objection de Marianne. C'est fascinant comme fait. La rumeur veut aussi que Jack G. Marinovich serait un personnage réel, mais personne à ce jour en a vraiment fait la preuve. Une chose est sûre, on est certain de rien. Vous pouvez aller voir leur site web au jackgmarinovich.com pour, entre autres, entendre les chansons de leur deuxième album avec un lien sur leur MySpace au myspace.com/jackgmarinovich aussi. Voilà, c'est donc leur deuxième album. Le premier s'appelait Joujou. Prochain groupe! On s'en va entendre l'anthologie de la formation Les Chiens. Ça s'appelle Le Long Sentier, une anthologie. Et à l'instant même, voici une bonne vieille pièce de leur album La Nuit Dérobée de... Non, c'est ça. C'est de Rosk de 2005. C'est le fun comment je suis vraiment à fond dans mes affaires. Les Chiens, à la chance, au coureur. We'll Deux premières pièces de l'anthologie de la formation Les Chiens qui s'appelle Le Long Sentier, une anthologie. À la chanson coureur, on a entendu Le Long Sentier qui vient de l'album Rosk de 2005 et juste avant, c'était la pièce D'un seul coup. Voilà. Donc, Les Chiens qui vont être en spectacle le 21 novembre au Café Campus à Montréal, c'est à 20h. Un album et un concert marquant le bilan provisoire d'une décennie hautement créative en magasin le 13 novembre. Ça dit sur leur myspace.com/Les Chiens, comme ça. Donc, on peut faire dire n'importe quoi à la théorie de la relativité, surtout si on l'applique à la perception du temps. Prenons une décennie, par exemple. Appliquée à l'histoire de la musique, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Réduisons-la à l'histoire du rock québécois et en représente tout de même le cinquième. Et si 10 ans pour un chien, c'est toute une vie, qu'en est-il pour un groupe de rock québécois comme Les Chiens? Il s'agit d'un long sentier, assurément. L'album Le Long Sentier, une anthologie qui inclut également une portion open disc sur CD-ROM permettant aux fans d'avoir accès de manière plus intime à l'univers des chiens, est en magasin depuis le 13 novembre et un spectacle anthologique soulignant sa sortie sera présenté le 21 novembre, comme je le disais, au Café Campus. Voilà pour Les Chiens, on passera pas plus de temps là-dessus parce que ça reste une anthologie, mais si vous voulez en savoir plus, c'est leschiens.ca. On passe à une formation plus punk, mais toujours francophone. C'est Beggar Sound. Leur album s'appelle... le premier album. C'est ça, trois titres extraits du premier album de Beggar Sound qui sort à l'automne 2007. Nous, on a reçu seulement le maxi. Donc, voici à l'instant même la pièce Les Américains. À la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous au 89.1 FM dans vos oreilles. Call it! C'est fou depuis 10 ans. My girlfriend is a boyfriend. I say yes, I don't know shame. Sometimes people make me forget it. Cause in that room, they wanna kill me. But I don't care, I am a winner. I don't care. Bugger Sound avec le hippie Boom. À la chanson quoi, on vient d'entendre la pièce Good As You précédée de Crever Pour Ça et de Les Américains. Donc c'est un groupe de punk rock à tendance rock and roll formé en octobre 2002, originaire de la banlieue parisienne, composé de 4 membres, un peu plus de 60 concerts depuis 2004 un peu partout en France avec des groupes tels que Garage Lopez, Guérilla Poubelle, UVR, Stay Cachier, Idiosyncrasy, Needles, Nothing For Free, Curly's Revenge et un paquet d'autres. Ils ont sorti un démo en septembre 2005, ensuite ils sont parus sur plusieurs compilation et le premier single de l'album en mars 2007, c'est ce que j'ai entre les mains, ça vient de se rendre au Québec ça. Et le premier album est dans les bacs à l'automne 2007 en France, on imagine beaucoup plus tard ici, en tout cas j'en ai aucune idée mais quand même, allez voir le myspace.com/ BeggarSound ou encore leur site web sur le beggarsound.fr où il y a un paquet de trucs là-dessus dont des extraits de leurs nombreux hippies et singles, etc. En fait, je ne vois pas l'MP3, mais c'est pas grave. BeggarSound.fr, c'est leur site et l'album va s'appeler Attendre, c'est mourir, selon la page couverture de leur site, avec un beau petit logo avec un gars qui fait un doigt du milieu avec une bouteille de bière. C'est très, très chic. Maintenant, passons de Beggar Sound, cette formation de punk francophone, à de la musique du monde. Ça s'appelle Cuba Cuba 3, The Official Guide to Cuba, La Guía Oficial de Cuba, La Tercera Edition. On peut s'imaginer que c'est la troisième édition de cet album-là. Ben oui, parce qu'il y a un 3. Hein. On s'en va entendre tout de suite, Orquesta Aragon avec Son Al Son. Cette troisième édition est une célébration de Cuba, de la musique cubaine. De l'élégance des notes d'ouverture de Orquesta Aragon jusqu'à la fiesta offerte par les maîtres Polo Montañez et Eliades Ochoa jusqu'à l'Afro Cuban All Stars et un paquet de choses comme ça. Ça s'annonce très très bon et c'est ce que voici tout de suite. À la chance au coureur, les auditeurs du vendredi, ça va entendre les nouvelles de Radio-Canada. Les autres, ben on revient dans quelques minutes.

Bon, attends, c'est la deuxième heure de la chanson coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Nous sommes le poste d'écoute de C'est fou et je m'appelle Mathieu Plante en compagnie de Danny Janvier pour cette deuxième heure. Bonjour Mathieu. Bonjour Danny. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, ça regarde pas aux auditeurs, hein? Ça c'est pas intéressant. Dans le ça fait. Regarde pas les auditeurs. Tu sais ce qui regarde pas les auditeurs aussi? Non. Je sais pas moi non plus, mais... Ben, y en a plein de choses, là. Comme faut pas le dire que j'étais en bikini en studio. C'est beau ça. Tu sais que Twister, la formation Twister, se sont renommés les Barniques. Ah, moi je connais juste Twisted Sister. Twisted Sister, ouais. Pas la même chose. Pas la même chose. C'est pas non plus, c'est pas un rap au poulet non plus chez PFK. Non, c'est pas la même chose. Non. Les Barniques, anciennement Twister, ont connu une année 2007 très prolifique alors qu'ils ont réalisé un mini-album de 5 chansons et un album live. Depuis, plusieurs de leurs prestations en spectacle sont maintenant sur YouTube. Oh. Le mariage du garage rock à l'état brut et des mélodies très accrocheuses fait que ce groupe possède désormais un son très distinct. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. L'addition dans l'alignement de Stéphane Chevalier à la guitare et au chant a fait des Barniques, une redoutable machine de guerre. Ils sont nés en 96, ils viennent de Saint-Alexis-des-Monts et Barniques ont dû négocier très fort pour acquérir un joueur de la trempe de Normandie. Dans ses temps libres, Normand aime beaucoup jouer de la bass. C'est fait comme une carte de hockey en arrière. Ah, c'est bien. C'est super joli. Tout de suite, voici « Depuis que t'es parti » à la chambre. Au courant. Je comprends pas ton album, il a même pas l'air ouvert. Ah, ok. Ah, il est ouvert. Et c'est beau. Hein? Je suis mêlé. On dirait qu'il y avait le plastique encore dessus. Non, mais c'est ça, il est comme tout démantibulé, genre. Ah, c'est ça. Ouais. Bon Twister. Je pensais que j'avais l'air. depuis que t'es parti. T'as pas l'air sûr de vouloir en mettre une deuxième, mais la blague qui commence quand même. Ah, maudit. Ah, je sais. Je vais endurer ça. Ah. Vous endurez la chance au courant. C'est ça. Une pièce, pas une chance. Hein, ben, c'est une grosse chance, moi, je trouve. OK, vu de même. Bon. Les Barniques. Ah. Avec Faites pour moi. C'est moi qui va le dire 115 fois. Souvent, il va le dire 17 fois, juste dans le premier refrain. OK. Les bannis qu'on appelle, je pense. Oui, c'est les bannis. On les salue, si ils nous écoutent. On les aime bien quand même. Oui, Constance aussi. Ouais. Constance, surtout les bannis. Elle a profité, là. Elle a profité de son salaire d'actrice. Ben oui, c'est ça. Elle peut mettre beaucoup de nourriture dans son juste. OK, c'était très, très hors sujet de tout, là. Donc, on vient d'entendre les barniques. Non, parce que le lien était avec les bannis. Oui. On trouvait que ça ressemblait au ben moi je trouvais que ça ressemblait au Benny dans Ramdam. Ouais, le Ben dans Ramdam. Le Ben de Manolo et les autres. Oh, ça c'est vraiment méchant. Hey, dis pas ça, moi j'aime ça les Benny. Moi aussi. Hey, justement, parlant de est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire en nombre? Ben ouais. Que Elephantine, le Ben de Manolo est en train d'enregistrer un album. Ouais. Tu dis ça, on peut c'est bon Elephantine, vraiment bon. Ben ouais. OK, bon. Ben c'est ça. J'ai hâte d'entendre ça. Sûr que la production est toute son temps. Il commence, là, il rentre en studio, il enregistre ça ici à Trois-Rivières en plus, chez notre ami de Radicard. Je fais une petite plug. Ah, oh, c'est beau! Radicard. Oui, ouais. C'est bien. Francis, c'est un bon gars, puis il enregistre. C'est lui qui a enregistré Merry Go Round, Soul Face of Atlantic, plein de trucs. Ça sonne très bien. Ouais. Et puis en primeur aussi, j'annonce que sûrement vendredi prochain, on va voir. Le mini-album de Jésus Bench 400 livres. Cette fois-là, ça va sonner pour de bon. Mm-hmm. C'est un groupe pas comme ce qu'on avait amené l'autre fois. Non, c'était très bon ça aussi. Groupe local de Trois-Rivières. Très, très bon petit groupe de pop, si on veut, enjoué, charismatique. Très enjoué. C'est très enjoué. Des musiques entraînantes, comme on dit. Avec le leader, Anthony Howey. Oui, et puis, c'est ça. Le seul Dieu. Membre, finalement, Dieu. Jésus même. Jésus lui-même. Jésus et Dieu, c'est différent, je pense. Pas grave, on parlera de religion une autre fois. Donc, les Barniques et les anciens Twister de cette Alexis Desmonts qui roulent leur bus depuis environ 11 ans, on pourrait dire. Les pièces qu'on a entendues, c'était Depuis que t'es parti et Faites pour moi, ça vient de leur mini-album Pas de problème. 5 pièces là-dessus, joli. Y a-tu un MySpace pour que les gens puissent aller voir? Très bonne idée. C'est pas un MySpace. Le site officiel, c'est yanmusic.com, Yann YAN, et music avec un K à la fin, .com, yanmusic.com. Si vous voulez plus d'informations, les membres sont Yannick Clément, Stéphane Chevalier, Normand Dionne et Mathieu Clément. La musique a été enregistrée au studio La Cave à Régent de Saint-Alexis-des-Monts en septembre 2007, au début septembre. Toutes les chansons sont écrites et composées par Yannick Clément. C'est super bon. On salue Régent. Enchanté, Régent. Oui, bad job. YouTube.com/ Yann Music aussi, si vous voulez voir des extraits live des Barnks, les anciens Twister. Et sur YouTube aussi, je pense. Hein? C'est vrai qu'il y avait des trucs sur YouTube, je pense. C'était ma phrase d'avant, mais ouais. Excuse, parce que je suis pas là, tu sais. Non, j'étais abasourdi. Ils sont impressionnants, les Barnks, donc. Hein. C'est comme le regard dans les arbres. Prochain band qu'on s'en va entendre, c'est un duo. Ils sont, ma foi, plutôt impromptus. Un band duo. OK. C'est un corps de duo. Duo impromptu et les cordes hallucinantes. Leur album, c'est Promenade dans les prés. Petite chanson de couple, apparemment. Apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Duoimpromptu.com, c'est leur site web. Et on commence par Paroles et musique de Magali Lemieux. Voici Les Matins dans la Lune. À la chance! Au courage! Le poste d'écoute de C'est fou. Traverse dans la lumière ma pupille qui s'apaise comme nous. Un éclair, je suis con. Notre histoire commence par la fin. Une vague sous le vent, le goût de vivre. Un regard selon mon destin. Envie incessante de ton Je pense que je dormais. Je me sens baveux aujourd'hui. Ben, il y a cause et raison, aïe, dirait mon ami. C'était impromptu duo, c'est ça? C'est ça, duo impromptu et les cordes hallucinantes. L'album, c'est Promenade dans les prés. La pièce, c'était Les Matins dans la Lune. La prochaine pièce dure 4 minutes. Je ne sais pas, non. Hein? Non, on passe à d'autres choses, s'il te plaît. On change de sujet. Ben, on les félicite, là. Ils sont très bons. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est un style, quand même. Duoimpromptu.com. En fait, ils ont gagné le premier prix dans la catégorie groupe francophone aux découvertes de la chanson de Magog. Ils ont aussi été lauréats du prix auteur, compositeur, interprète au Pont des Étoiles. Si vous voulez plus d'informations, vous renseignez. C'est le duoimpromptu.com. Voilà. .com. c'est ça qu'on dit. Donc ensuite, on enchaîne, comme on dit dans le domaine, avec Claude-André Caron. C'est une fille en passant, Claude-André. Caron, présente est son nom de, d'album. Et ça dit ici présente. Claude-André Caron, myspace.com/Claude-André Caron. N'oubliez pas le deuxième E. On s'en va entendre tout de suite la pièce Petit Baiser. Ouais. Oh, ça a l'air français. Oui, parce que c'est écrit en France. En fait. Quand ça dit France, moi je me dis dans ma tête, c'est de français. C'est comme ça. Non? Ouais, sûrement. Sûrement. On va voir. Quel endroit de ma peau saura te soumettre? Quand laisseras-tu tes mots se taire pour me connaître? Donne-moi ce petit baiser qui se fait espérer. Sucré, salé, petit baiser viendra se poser alors que j'aurai les deux yeux fermés. Cette épaule dévêtue que tu apprivoises des yeux depuis nos premiers aveux. Donne-moi ce petit baiser qui se fait espérer. Sucré, salé, petit baiser viendra se poser dans un recoin rarement exposé. Tu me demandais te suivre dans une forêt, sous un buisson bien garni qui nous servirait d'abri. Alors ce petit baiser sera-t-il bien posé, ou peut-être trop bien posé pour me laisser bouche bée? Dany a pas l'air sûr d'en vouloir une deuxième. Non, mais t'es généreux dans ta nature, toi. Hein? C'est ta nature d'être généreux de même. Tu devrais y en offrir une autre. Peut-être que tu vas avoir un rendez-vous avec. Ah, ben, quand même, cute. Ben, c'est ça, toi, dans ta collection de fans. Dans les dents. Mais non, mais quoi? Voici Viens-t'en aimer, là, la chance. Viens-t'en aimer. Aux coureuses. Ta mère est fatiguée. Pas de toi, mon loup, du monde qui s'arrête pas de tourner. Viens pour une fois, on va essayer de s'évader. Toi pis moi, moi toi, dans une grande bulle. Antigravité, viens-t'en Émile. On change de planète. Ici tout est lourd, nous autres on va se parler d'amour. On va se coller trop fort dans notre belle maison croche. Se perdre dans l'espace de nos quatre murs qui se fissurent. Viens-t'en mon loup, on va faire nos martiens. Puis si tu veux en chemin, je vais même te parler ton père. Comment qu'il est beau, qu'il est fort et très intelligent. Comment que tu retiens de lui, même si t'es le vrai. Portrait de ta mère, viens-t'en Émile. Regarde-moi pas comme ça. Les larmes que j'ai là, ça, c'est juste des larmes de joie. Je suis trop heureuse d'être toujours toute seule avec toi. Puis si des fois je me fâche pour faire semblant que je suis quelqu'un d'autre, viens-t'en Émile. On va se louer un film. Un film comme des M avec des robots pis des bêtes. Des dinosaures qui se parlent, qui se chicanent mais qui s'aiment. Puis ça finit toujours que tu t'endors contre mon corps. Viens mon petit loup, il est l'heure d'aller te coucher. Mais oui pour cette nuit tu peux bien dormir dans mon lit. Ta petite chaleur en boule va calmer mes gros nerfs. Puis demain matin, on va se faire cuire toutes les graines de la terre. tournois loup du monde qui s'arrête pas de tourner. Viens pour une fois, on va essayer de s'évader. Toi pis moi, moi toi, dans une grande bulle anti-gravité. Tu vois, deuxième pièce, c'est pas mauvais en fin de compte. Ben, tu me parlais de Gestation Rap. C'est notre inspiration. Ça fait c'est fou quand même comme son. Quelques artistes féminins. Ouais, le matin, passe, quand c'est relax. Là, absolument. C'était Claude-André Caron avec l'album Présente ici à la Chance au coureur. Justement, c'était Petit Baiser. Site web myspace.com/ Claude-André Caron. C'est une fille, donc il faut mettre un E à André. Vous l'aurez deviné. C'est une Québécoise. Hein, ça aussi, on l'a découvert. Même si c'est écrit à l'arrière Contact Promotionnel France, c'est quand même une Québécoise. Ah, mais c'est le contact, ça doit être genre s'il y a des bookings en France, ouais. Là, il faut qu'il appelle. Mais je m'attendais. À France, avoir un contact promotionnel au Québec aussi, mais il n'y en a pas sur la pochette. Donc c'est peut-être pour ça que elle qui fait ses propres trucs ici au Québec, tandis qu'elle a un contact pour la France parce qu'elle veut aller l'autre côté. Ça se pourrait très bien. C'est vrai qu'il y a son courriel à elle. Si vous voulez lui écrire, lui envoyer des commentaires, c'est gocable.com. C'est gocable.ca. Merci. C'est gocable. Voilà donc pour Claude-André Caron. Présente maintenant notre. Je crois avant-dernier album de francophone pour cette semaine, je crois bien. C'est Fred et Nicolas Pellerin qu'on s'en va entendre. Leur nouvel album, ça a l'air comme ça, super joli. C'est du trad, il paraît que c'est très bon. On entend parler partout depuis tout le monde en parle dimanche dernier. C'est vrai? C'est ça. Moi, je suis confiant. Fred Pellerin, très talentueux jeune homme avec son frère. Donc, son frère a fait le Bébert Orchestra, genre le monsieur qui était dans la... Bottine souriante, comment ça s'appelle? Ah, ouais, ça, c'est une bonne question, par exemple. Jacques. En tout cas, vous savez, le gars de la bottine souriante. Bonjour, d'Albert, le gros Bébert. Là. Tout le monde l'appelle le gars de la bottine souriante. Ben, en tout cas, il est parti tout seul à un moment donné. Il a laissé la bottine se promener tout seul. Puis, il y a un de ses musiciens, je pense que c'est Nicolas Pellerin, c'est ça? Oui. Mais exactement, c'est ça. Nicolas Pellerin. Donc, c'est à découvrir. Musique folklorique. Ça fit. Ils savent le lancer au bon moment, hein, juste pour avant les fêtes. Ouais. On sait que le trad est très fort l'hiver. C'est seulement populaire à l'hiver, on dirait. Ben, c'est ça qu'ils veulent pas, là. Non. Ils disaient ça, mais bon, c'est vrai que c'est là que ça revient tout le temps. C'est comme ça, on peut pas changer les gens. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Voilà. Paroles et musique traditionnelle, sauf l'introduction de Lille au loup qui a été composée par Nicolas Pellerin et la valse composée par Jeannot Bournival. C'est les trois personnes avec Fred Pellerin qui ont contribué le plus à l'album. Voilà. C'était un projet en l'air, une promesse sans date, une traite qu'on se devait. À chaque fois qu'on osait une toune, on se disait qu'un jour. Et puis voilà, il a fallu qu'on se rejoigne chez Jeannot, un presque troisième frère, pour se donner la note. Ça a pris forme doucement, à y aller au plus simple. Autour d'une guitare et d'un violon, on a brisé la glace avec nos airs de famille, sans prétention, à jouer assis, à ralentir les métronomes. Et voici avec la pièce « Dans la prison de l'ombre ». Oh, tapons-tu? Tapons. À la chance! Au coureur. Ça. De l'ombre, là-haut, là-haut, dans la prison de l'ombre, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Personne ne va le voir, là-haut. Là-haut, personne ne va le voir que la fille du geôlier, que la fille du geôlier. Ben dites-moi dans la belle, là-haut, là-haut, dites-moi dans la belle. Ce que l'on dit de moi, ce que l'on dit de moi. Ben le bruit court dans la ville, là-haut, là-haut. Le bruit court dans la ville, que demain vous mourrez, que demain vous mourrez. Ben si demain je meurs, là-haut, là-haut. Ben si demain je meurs, délie-moi. Garçon, encore alerte, aimons-nous, marions-nous, le garçon, encore alerte, à la mer s'est jeté, à la mer s'est jeté. À la première plonge, à la deuxième plonge, à la troisième plonge, la mer a traversé, la mer a traversé. Quand il fut sur ses côtes, aimons-nous, marions-nous. Quand il fut sur ses côtes, il s'est mis à chanter, il s'est mis à chanter. Que Dieu bénisse les filles, aimons-nous, marions-nous. Que Dieu bénisse les filles, surtout celle du geôlier, surtout celle du geôlier. Si jamais j'y retourne, Fred Pellerin avec Dans la prison de l'ombre de l'album Fred et Nicolas Pellerin. Tout de suite, la deuxième pièce, c'est La Lurette en colère. Ah, c'est le fun, c'était progressif. Finalement, écoutez, au début, je trouvais que c'était comme un peu endormant comme première pièce. Mais à la fin, ça swingue un peu. Ça swingue un peu. Ça, ça va swinguer, je pense. On va aller l'entendre. Parfait. Qui chante, et le jour et la nuit, elle chante pour les belles qui n'ont pas de mari. M'entends-tu, Polo? À travers les coups de fusil, m'entends-tu, Polo? Polo là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Elle chante pour les belles qui n'ont pas de mari. Elle chante pour les belles qui n'ont pas de mari. Elle ne chante pas pour moi, car j'en ai un joli. M'entends-tu, Polo? À travers les coups de fusil, m'entends-tu, Polo? Polo là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Elle ne chante pas pour moi, car j'en ai un joli. Elle ne chante pas pour moi, car j'en ai un joli. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. M'entends-tu, Polo? À travers les coups de fusil, m'entends-tu, Polo, Polo là-bas? dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Mon Dieu, faites donc qu'ils reviennent, qu'ils soient toujours en vie. M'entends-tu, Polo, à travers les coups de fusil? M'entends-tu, Polo, Polo, là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Mon Dieu, faites donc qu'ils reviennent, qu'ils soient toujours en vie. Mon Dieu, faites donc qu'ils reviennent, qu'ils soient toujours en vie. Il sait même pas que je l'aime, trop vite, il est parti. M'entends-tu, Polo, à travers les coups de fusil? M'entends-tu, Polo, Polo, là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. M'entends-tu, Polo, Polo, là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Vous écoutez La Chance au coureur, à C'est fou 89.1. Mon père aussi m'y a marié, guélon là, je m'en vais rouler. Un an civil, il m'a donné, je me roule, je me roule. Des longs loges, je m'en vais rouler en filant ma quenouille. Un incivil, il m'a donné. Des longs loges, je m'en vais rouler. Qui n'a ni maille ni denier, je me roule, je me roule. Des longs loges, je m'en vais rouler en filant ma quenouille. Il n'a ni maille, ni denier, guélon là, je m'en vais rouler. Qu'un vieux bâton de verre pommier, je me roule, je me roule. Guélon là, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Un vieux bâton de verre pommier, guélon là, je m'en vais rouler. Avec quoi m'emballe les côtés, je me roule, je me roule. Guélon là, je m'en vais rouler en filant ma quenouille. Ben, si vous me battez, moi je m'en irai. Guélon là, je m'en vais rouler. Je m'en irai au bois jouer, je me roule, je me roule. Des longs loges, je m'en vais rouler en filant ma quenouille. Je m'en irai au bois jouer. Des longs loges, je m'en vais rouler. Au jeu de cartes, aussi de dés, je me roule, je me roule. Des longs loges, je m'en vais rouler. On n'est pas méchants, nous autres, on aime tout le monde. Ben oui, on flatte les gens, nous autres, on les flatte. Ah, mais il faut le dire, hein, nous, on fait juste dire notre opinion. Oui. Ce qu'on dit, ça reflète pas l'opinion nécessairement des auditeurs. Et de la station. Ni de la station en général. Là, mais... C'est notre opinion personnelle, on s'en cache pas, on se. Ouais, c'est ça. S'il y a des fois des artistes qui se sentent insultés ou brimés, ben, c'est leur problème, ils ont juste à pas faire des trucs publics. S'ils veulent pas avoir de commentaires publics. Ben oui, c'est comme, tu sais, t'es président des États-Unis, faut t'attendre à être... À te faire critiquer. Bon. C'est... Ben, c'est pareil dans tous les domaines. Si tu fais de quoi dans le public, c'est ça. Si critiquer. Tu veux pas te faire critiquer, reste chez vous dans ton salon pis sors rien à nulle part. C'est ce qui était notre petit mot du jour, notre sagesse. Mais tout ça ne s'appliquait certainement pas à Fred et Nicolas Pellerin. Non, c'est... Ben, c'est pour ça que je l'ai dit durant la fin de Monsieur Pellerin, des deux Monsieur Pellerin, parce que je dis ça à tout artiste qu'on fait jouer ici, là... On n'a pas pointé en particulier. Non, on n'a rien dit de méchant sur les artistes de plus tôt dans l'émission. Certainement pas. Donc, Fred et Nicolas Pellerin, on a entendu trois pièces dans l'ordre, dans la prison de l'ombre, la lurette en colère, et ce qui vient de jouer, c'est Je me roule. L'album, c'est Fred et Nicolas Pellerin. Mais pour pas les licher, pour, par exprès, dans le sens, moi, je dirais juste que je pensais que l'album serait un peu plus swing la back. C'était très relax. Hein? À date, même les tunes qui bougeaient sont assez relax. Ben, c'est correct, ça doit être son choix artistique, là, par contre, mais moi, les trucs de trad, j'aime ça quand ça swing la back, justement. Et voilà. Je dis juste mon opinion personnelle. Regardez ce qu'ils disent dans l'album, je vais lire ça parce que je trouvais ça intéressant. On a dressé notre liste pour se rendre compte qu'à la fin, c'était toujours des histoires d'amour brisées dans les albums. Okay. De celles qui pleurent, l'histoire de toutes ces princesses qui ne rirent pas assez. Ok, rire, d'accord. De la tristesse et du destin pesant, du malheur et pourtant des chansons comme l'espoir, comme le verbe chance à la deuxième personne du pluriel, avec le plus grand plaisir de les tirer de l'oubli. Oh, c'est bien dit ça. C'est beau. Voilà. Donc, voilà. On passe à El Motor. Oh, ça, par exemple. Ça, j'aime ça. On a reçu il y a quelques jours à peine ici à C'est Fou. Très bel album, psychédélique. Ouais. Les couleurs sont hallucinantes. On dirait un beau petit jardin de champignons et d'herbes. Ah, et ça fait très champignons et herbes. Leur album est éponyme, ça s'appelle El Motor. Une nouvelle pièce est entrée dans les palmarès la semaine dernière et nous, on le reçoit de la chance au coureur cette semaine. On écoute tout de suite les trois premières pièces de l'album. On commence par Dea del Seso. Ah, c'est fou, 89 ans. À l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, la chance au coureur. We'll be right back. depuis 10 ans. 10 ans, c'est plus vieux que moi, ça. T'as 11 ans, toi? Oui. Je te donnais pas ça. Je excellent. Fait pas. Hein? T'es je fait, fait pas. Pas? Non, non, t'as la peau douce. Ah. C'est ça. On vient d'entendre une excellente pièce. Excellente, excellente pièce. Donc, Hippocampe de El Motor. Ah, c'est très bon, El Motor. Dans la vague des navets confits, Malageux, Bosky, etc., Alex Champigny. Très bon. Vraiment. C'est tous des gars qui se connaissent, ça. Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le nouveau Liverpool, comme il disait dans le Bang Bang. dans le journal Le Bang Bang, il y a peut-être un an. Mm-hmm. Mais c'est quand même vrai qu'il y a plein de groupes qui sont arrivés de cette partie du monde. Mm-hmm. On a le temps de l'entendre une troisième pièce pour finir cette deuxième heure. Voici Panorama de El Motor. La chance! Au coureur! Mm-hmm. Je n'y vois rien pour moi. Dommage, l'élevage dans vos ménages avalent ceci. Que je vais être un fan d'El Motor, moi, bientôt. Là. Ouais, c'est très bon, El Motor. Je me prévois. El Motor, l'album est éponyme. Les pièces qu'on a entendues, c'était Panorama, précédé d'Hippocamp, précédé de Dea del Sesso. C'est les trois premières pièces de l'album d'El Motor, un groupe d'indie pop psychédélique. L'album est sorti le 6 novembre. Enfin, c'était attendu depuis très longtemps. C'est un groupe montréalais. Ils vont être en spectacle à 20h le 29 novembre à Montréal. C'est au studio Astral Radio. Hein? Et puis le 15 décembre 2007, 21h, aussi à Montréal, au Savoie du Métropolis. Moi, je connais le drummer Pascal, très gentil jeune homme. Sympathique. Oui, il a déjà été drummer pour Caïman Fou. Ah oui? Ouais, il y a quelques années. Wow! Ouais. Caïman Fou qui va être en spectacle au Gambrinus. Le 20 novembre, je crois. Absolument. Donc, allez voir ça. Les membres Fred Philo, Pierre Abouchard, Guillaume Desduclos, Alexis Dufresne et Pascal Gingras. Si vous voulez plus d'informations sur El Motor, allez voir le elmotor.ca ou le myspace.com/ELMOTOR. Les liens sont sur le unechance.com. Fin de la deuxième heure, ce qui nous donne la chance d'aller entendre un petit peu de jazz. Du jazz-o-matic. Pour terminer ça rapidement, voici une pièce de l'album Inhabitants, The Furniture Moves Underneath. Et tout de suite, c'est Kurt Dirt. C'est le même. C'est ça. Rawr! Jazz! Et les auditeurs du vendredi vont écouter les nouvelles. C'est la troisième heure de la chanson coureur. Bonjour, c'est la troisième heure de la chanson coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je m'appelle Mathieu Plante et maintenant c'est l'heure du fidèle bloc fidèle au poste de Danny Janvier qui nous présente cette semaine trois nouveaux albums, nouveaux arrivages assez fous qui m'ont l'air assez intriguants. Oui, mais t'aurais dû me dire l'heure de fidèle la chance. C'est l'heure de fidèle la chance. On sait que c'est mon père spirituel. Voilà. Oui, bon, passons. Oui, cette semaine, eh bien, je reste dans la même optique que les semaines précédentes. C'est quelquefois, je vous amène des albums très, très relax d'électro. Et puis, ben, j'en ai un excellent que j'ai écouté avec plaisir cette semaine. C'est le projet Last Days. Et il se dit expérimental electronica indie. Quand que je dis il se dit, eh bien, il se dit Graham Richardson de son nom. Et puis, un son cinématique ambiant. Ça fait très trame de film, mais un peu low-fi. On sait que maintenant, la recherche de tous ceux qui font de l'électronique, c'est de faire un son toujours le plus cristallin, le plus parfait, même presque irréel, surréel. Eh bien, lui, non, ça fait vraiment nature. C'est très chaud. Un mélange d'acoustique, de numérique, digital. C'est vraiment le fun. Quelques belles mélodies inspirées de projets comme Sigur Rós, Death Center, Pornsword Tobacco ou Port Royal, si vous les connaissez. Je pense que le plus connu là-dedans, c'est Sigur Rós. Je sais pas si ça dit quelque chose. Le nom. Donc, une musique très planante, très ambiante. La pochette, je vous l'explique, c'est un beau pré avec une montagne, des arbres, sur un fini cartonné. C'est très joli. Moi, pour moi, les pochettes sont très importantes. Ça fait très campagne anglaise. J'ai même pas remarqué d'où vient-il ce monsieur Richardson. Mais l'important, je pense, c'est d'aller écouter sa musique. Son album s'appelle, je le fais rapidement, eh bien, ça s'appelle These Places Are Now Ruins, je pense que c'est ça. Oui. Et puis, le projet s'appelle Last Days. Si vous voulez des informations, eh bien, il y a le myspace.com/lastdaysmyspace, tous ensemble. Alors, allons écouter ça tous ensemble. Ah, tous ensemble. À la chance au coureur, la pièce Reason to Go. C'était la pièce Station. Pardonnez-moi maintenant la pièce qu'on était supposé d'entendre, mm-hmm. Reason to Go. Et c'est maintenant à la chance au coureur, le poste d'écoute de C'est fou. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, en tout cas, je voulais vous faire entendre une autre pièce, mais à cause de mon erreur, eh bien, on va écouter ces deux pièces-là. Et on a vu l'influence vraiment Sigur Rós dans la première pièce. Yes, Reason to Go de la formation Last Days. Donc, on a vu très automnal comme son, très introspectif, mélodique, mélancolique, je dirais. Et puis, ben, on va changer de cette ambiance mélancolique pour s'en aller sur les plages de l'Espagne à Ibiza avec notre ami DJ Tiesto qui nous offre un album double, ma foi, très bien construit. Un album, bien sûr, que c'est pas tout composé par lui. DJ Tiesto est DJ producteur, oui, mais avant tout DJ. Et il nous présente une amalgame de pièces avec des titres très ensoleillés qui donnent vraiment le goût à la vacance et qui donnent le goût de se servir un petit cocktail un peu partout sur le bord de l'eau. Et puis, ben, c'est ça, DJ Tiesto, si vous voulez des informations, c'est djtiesto.com. On sait que DJ Tiesto est un des DJ les plus connus au monde. Il roule sa bosse partout, partout. Il se décrit comme faisant de la trance, de techno-electronica. Il a joué, entre autres, aux cérémonies d'ouverture à Athènes pour les Olympiques devant des millions, des milliards de personnes avec les télédiffusions. Il a commencé à se produire en 1995. Et puis, ben, justement, c'est une techno très accessible, très terrasse, je dirais, très restaurant, en même temps qui te fait toujours bouger le pied. Donc, c'est très, très bon. Certaines pièces, pour ceux qui sont habitués de m'entendre, eh bien, certaines pièces me dérangent un peu avec des voix de pute en arrière. c'est mon expression que je reprends à chaque fois. Ben oui. Hein? Mais certaines fois, moi, je trouve que les voix sont de trop, viennent brimer un peu sur la musique. J'ai rien contre la voix dans la musique, mais des fois, je trouve l'utiliser un petit peu moins de façon qui fait commercial un peu trop. Des fois, ça pourrait être juste une fois aussi la petite voix qui arrive et on ne l'entend plus durant le reste de la pièce. Mais bon, c'est un remède efficace aux journées froides qui s'en viennent, un remède efficace à l'hiver qui s'en vient, qui est à nos portes. DJ Tiesto et son album In Search of Sunrise 6 est bizarre. On l'écoute tout de suite à la chanson courante. We'll be right back. pièce La Hacienda et la pièce Contact de DJ Tiesto. On revient après la pause avec une autre petite pièce, la pièce Summerfish. À noter que c'est un album amené dans votre valise. Deux albums, donc un album double mixé intégralement. Donc ça n'arrête pas, le plaisir continue. We'll be right back. DJ Tiesto avec son nouvel album In Search of Sunrise 6. Donc, si vous avez besoin d'un peu de soleil cet hiver, eh bien, c'est un bon remède. Faut qu'on aime, par contre, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas vraiment le genre d'électronique que j'écoute chez moi, mais je trouve que c'est bien fait, puis c'est un. Comme je te disais tantôt, il y a à peu près 20-25 000 écoutes par jour sur son MySpace. C'est un must dans l'électronique. C'est un nom que tout le monde connaît. Même les gens qui connaissent peu l'électronique connaissent DJ Tiesto. C'est une grosse vedette. On passe d'un Electro House trans à un autre Electro House un peu plus rock cette fois. Et un Québécois qui a fait ses marques un petit peu partout et qui va même être ici... à Trois-Rivières, le 22 décembre, au Space After Hours, ooh, c'est M. P. Caffeller, connu aussi sous le nom de M. S. Amel. Un petit peu plus ordinaire comme nom. Ouais, c'est ça. Il vient justement du Grand Québec et il est dans la lignée, dans le style des Preach ou Tiesto, Armin Van Buuren, un nom, un son plutôt assez commercial. Par contre, P. Caffeller rock quand même assez. Il est aussi DJ, producteur, remixeur. Il vient d'une famille de musiciens. Il a joué tour à tour la guitare, la basse, le drum, le piano. Il a pris plusieurs cours justement dans ses instruments, aussi des cours de chant pendant 2 ans. Ses influences sont très diversifiées. Tu sais, des fois, on pense que la musique électronique, les gens ont juste écouté de la musique électronique. Avant, eh bien non. Ses influences sont les Beatles, John Lennon, Beck, Basement Jacks, Nirvana, Radiohead. Donc, on sait qu'il y a une bonne culture musicale. Juste pour information, il a eu son premier kit de DJ à l'âge de 12 ans. Son père y a offert ça. Quand même intéressant à savoir. Et à 17 ans, il jouait déjà partout dans les clubs à Québec et les raves. Il est DJ chez Astral Media. Il est producteur chez Astral Media à Québec. Producteur aussi de musique de film pour Crystal Film. Et il a fait quelques trams aussi pour GM, General Motors. Donc, c'est quand même assez reconnu. Son son est très apprécié. Justement, il nous offre un Electronica House assez rock. Des fois, quand je vous disais tantôt, ses influences sont un peu à la Nirvana et certains groupes rock. Eh bien, je ne voudrais pas entendre la pièce, mais il y a une pièce en particulier qui s'appelle The Queen's King qui fait penser à un riff de guitare à la Nirvana. Mais on ne l'écoutera pas parce qu'il y a une voix qui me dérangeait un peu déçu et parce qu'on manque de temps si on veut faire jouer d'autres choses ce matin. On va écouter la pièce numéro 3 qui s'appelle Evie One. Et c'est le fun, vous écouterez ce que M. George Bush dit en sampling dessus. Il nous parle de l'essence, de l'huile et de l'importance justement des véhicules à moteur en Amérique. On écoute ça tout de suite. P. Caffeller et son album Outside the Box à la chance. Au courant! In 1996, electric cars began to appear on the roads all over California. They were quiet and fast, produced no exhaust, and ran without gasoline. We'll be right back. affordable energy. And here we have a serious problem. Problem. Problem. Problem. Problem. Problem. Problem. Problem. America is addicted to oil. Addicted to oil. Okay, Houston, I'm on the port. This is the old radio check. Check, check, check, check. Peekafeller et son album Outside the Box. Donc, un excellent album, Electronica House Rock, comme se dit-il sur son MySpace. Eh bien, le MySpace, allez voir, c'est myspace.com/Peekafeller. Et il y a le peekafeller.com. Et juste pour une petite information comme ça, Peekafeller, son nom vient de où? Eh bien, ça vient d'un titre d'un remix de Fatboy Slim qui s'appelait Rockafeller Shank, et oui, qui est très connu. Oui. Et puis, lui, il trippait là-dessus, il commençait à mixer et il a décidé de prendre Peekafeller. Donc, ce qui donne ça aujourd'hui. Quelques collaborations sur cet album avec notre ami Daniel Desnoyers. Avec Speaker Freak. En tout cas, une couple de trucs. Allez voir ça si ça vous intéresse, ce que vous entendez. On va écouter une autre petite pièce pour terminer mon bloc. C'est la pièce Crop Circle. Crop Circle, on sait c'est quoi les genres de dessins, comment ils appellent ça, les cercles céréaliers en français. Oh, et c'est cute, hein? C'est ça. Les extraterrestres qui font exactement, ça. Exactement, exactement. Les extraterrestres avec des planches de 2x4. C'est ça. Mais bon, en tout cas, ça, on puisse toujours s'en reparler. On écoute Crop Circle, tiré de l'album de Peekafeller, Outside the Box, à la chance. Au courant! What are these mysterious and stunning shapes etched into the wheat fields of nations around the world? Are these crop circles some sort of communication from another world? Another world. Pika Feller et son album Outside the Box, la Pika, pièce. Pika. Oui, la pièce qu'on vient d'entendre, Crop Circle. Ça se donne et puis ben. Danser, hein, oui. Oh, c'est tellement des musiques entraînantes. Wow! Yes! Yes! Ils ont pris le même thème que dans Gestation Rap. Ça donne le goût de danser. C'est tellement des musiques entraînantes. Ah, c'est tellement le meilleur extrait qu'on peut mettre dans une toune, ça. Je trouve ça drôle. Clair. C'est drôle qu'il l'ait employé là. J'étais surpris. C'est ça. Découvrez Pika Feller. Donc, aujourd'hui, si je fais un retour, je vous ai fait jouer de la musique des îles Ibiza avec Tiesto. Je fais jouer de la musique du Royaume-Uni avec Last Days. Et puis de la musique du Québec avec Pika Feller. Voilà, c'était le bloc filé au poste de Danny Janvier. Un petit rappel, je l'ai dit tantôt, mais je pense que ça peut être intéressant d'aller voir live le 22 décembre au Space After Hours. Eh bien, Pika Feller va être là, donc profitez-en si vous avez aimé ce que vous avez entendu. Et puis, ben, ça va encourager la gang de monde d'ici, de Trois-Rivières, qui essaye de faire de quoi? Faut bien! Ben oui, quand même. On a le temps pour un seul album de Canadien cette semaine. En fait, je crois que c'est même pas canadien, non? C'est même pas canadien. Du tout. C'est l'alternatif. C'est l'alternatif anglophone. C'est Dillinger Escape Plan. Leur album s'appelle Higher Works. Et tout de suite, voici la pièce Fix Your Face. Et on en parle après à la chance. Oh, coureur! Votre digestion. Tu dis, c'était Dillinger Escape Plan avec Higher Works. Et c'était drôlement mauvais. C'était vraiment mauvais. C'est du metal hardcore progressif, mais c'est classé dans l'alternatif. Ils viennent de Morris Plains, dans New Jersey. Leur album est sorti le 13 novembre. Ils vont être en spectacle un petit peu partout aux États-Unis et à Montréal, au National, le 21 décembre à 20h. Donc ça, c'est ça pour ça. N'y allez pas. N'y allez pas, s'il vous plaît. Et si vous y allez, ben... C'était atroce. Non, si vous aimez ça, tant mieux. C'est ça. C'était la chance au courant pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Danny Janvier vous retrouve à l'émission Vanadium 303. Hein? Oui, le mardi matin, 10h. C'est de l'actualité scientifique et de la musique électronique. C'est très, très bon. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les lundis et jeudis de 11h à 13h. Et les Palmarès et Fous sont en direct les vendredis soirs à 17h. La Chance au coureur, elle, est en direct les vendredis matins à 10h, en rediffusion les samedis à midi et les mardis à 13h. Tout ça pour dire que ben c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Notre coureur de la semaine, c'est El Motor avec leur album éponyme. On aura la chance de les entendre à profusion dans les prochaines semaines. Ils sont déjà sur les palmarès. Ça roule très bien pour El Motor. Je pensais que c'était pour être l'autre juste avant. Là. Dillinger Escape Plan. Ouais, je pensais que c'était lui, le coureur de la semaine. Ça a passé un poil. Un poil. Un poil d'être ça. Merci d'avoir été avec nous, dernier janvier. Tout le monde qui a écouté, là, ben, on est tellement content de vous avoir avec nous autres. C'est ça. C'est de même. On vous aime. De la part de toute l'équipe fictive de la chance au coureur, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance.